Je peux se dit puedo. Puedo. Hein? Puedo, qui s'écrit P-U-E-D-O. Le U se prononce toujours ou en espagnol. Donc, puedo. Hein? Puedo. Alors, si je peux se dit puedo, avec le O final correspondant à la première personne du singulier, au je, comment direz-vous à quelqu'un que vous voyez, vous pouvez? Puede. C'est ça. Hein? Puede. Hein? Puede. Puede. Puede. Vous pouvez.